qu'aujourd'hui j'attends, je l'ai fait pour moi. Cet enfant qui grandit en moi, cet enfant de toi. Allons, fais-moi danser et fais-moi rire à pleurer. Je voudrais boire ce soir et boire jusqu'à ton départ. Tes amis sont là aussi. En peu de temps, tu as conquis les gens du pays. Je suis la seule qui ait compris. Dans tes yeux un peu trop bleus, il n'y avait rien de sérieux, rien de bien sincère. C'est un enfant.